Les États-Unis et leurs contradictions. Aujourd'hui, la place des Indiens. L'interprète indien communique à Washakie les clauses du traité grâce au langage des signes, un langage alors commun à toutes les tribus. Le colonel lit les termes de l'accord. Les chefs viennent maintenant le ratifier. Les Blancs auront, eux aussi, à ratifier le traité, mais à la manière indienne, c'est-à-dire en fumant le calumet de la paix, un geste qui, aux yeux des Indiens, engage à tout jamais. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Évocation des traités de 1868 qui étaient censés établir la paix et que les Euro-Américains, les Américains ont interprété à leur façon. Notre invitée, Marie-Claude Stigler, bonjour. Bonjour. Qui a vécu longtemps, notamment chez les Navarros. Alors vous avez rapporté une thèse chez les Navarros sur l'économie. Oui, sur la politique économique du gouvernement tribal. Ouais. Mais vous êtes aussi remonté dans nombre de vos ouvrages, par exemple ceux publiés chez l'Harmattan. On en trouvera la liste sur notre site, à des époques plus reculées. Et justement, à celle-ci que le son d'ouverture évoquait Marie-Claude Stigler. En fait, aussitôt après les traités, les Indiens, fumant le calumet de la paix, se sont aperçus que les termes des rapports étaient inversés et que c'était une assimilation forcée qu'on les conviait. Oui, absolument. Mais le but, en fait, c'était d'obtenir des territoires. Et chaque traité signé au fil de l'histoire, en fait, correspondait à une cession de territoire aux États-Unis. Il y avait combien de réserves quand on commençait à signer les traités? Il y en a eu plusieurs en 1868. Combien de réserves envisagées? 100, 200, 300 ? C'est difficile à dire, hein, parce que les réserves, elles étaient soit grandes, soit toutes petites. Certaines étaient simplement un ranch, en Californie par exemple. Mais vous faisiez allusion au traité de 1868. Là, c'était vraiment d'énormes territoires. Et je pense entre autres au traité de Fort Laramie avec les Lakota, où on leur accordait une grande réserve. Évidemment beaucoup plus petites que leur territoire traditionnel, mais ce qui était très très important, c'est que ce traité reconnaissait que les Black Hills, qui sont un lieu sacré pour les Lakota, faisaient partie intégrante de cette grande réserve. Et malheureusement, quelques années après, on s'est aperçu qu'il y avait de l'or dans les Black Hills, et évidemment, ils ont été confisqués. Alors justement, nous sommes dans cette période que vous évoquez. 1890, Sitting Bull, le vieux chef Sioux, va être assassiné après qu'il était venu, à la fin d'un séjour au Canada, se réfugier dans une réserve. Et pourtant, il avait dit « je ne veux pas finir dans un enclos ». Et aussitôt après, le 7e régiment de cavalerie va obliger un autre vieux chef, Bigfoot, à se rendre, et au prix d'un massacre qui n'a pas concerné seulement les hommes, mais ça a beaucoup choqué à l'époque. Les femmes et les enfants, ça a choqué jusque dans le vaste monde. Voici un extrait d'un article publié à ce sujet dans le journal de Clémenceau à Paris. La justice. 4 janvier 1891. Tragédie indienne. On tire des coups de fusil là-bas. Là-bas, sur les vagues frontières du Dakota septentrional. 2 races d'hommes sont aux prises, des blancs et des rouges. Et tout ce qui se passe n'est malheureusement pas à l'honneur des visages pâles. L'autre jour, un général américain supprimait 100 de petits Sioux et massacrait leur mère. C'est horrible. Un homme ne peut tirer vengeance que d'un homme. Et l'affaire devait se régler entre les cavaliers américains et les guerriers de la tribu révoltée. Cette révolte elle-même, d'ailleurs, d'où provient-elle? Si les Indiens se sont révoltés, c'est qu'on les vole, c'est qu'on les pille, c'est qu'on les chasse. À peine un arrangement est-il intervenu entre l'Union et les anciens possesseurs du sol. À peine une réserve est-elle achetée. À peine les Indiens se croient-ils tranquilles dans leur territoire rétréci que surgissent du côté des Blancs des exigences sans cesse renaissantes. Comment s'étonner ensuite du désespoir qui s'empare de tribus continuellement refoulées? Ce sont des hommes. Ils sont chez eux. Quelle est donc la bête qui, traquée dans son refuge, n'essaye pas de se défendre? Si ce massacre de Hundantny fait autant image, c'est aussi parce que des clichés photographiques ont été pris à ce moment. Absolument, on a des photos absolument frappantes, entre autres du chef Bigfoot, qui est congelé, pourrait-on dire, parce qu'il faisait très très froid, c'était fin décembre, et à tel point que les, c'est pas une centaine comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, mais 300 à 350 hommes, femmes, vieillards, enfants, qui ont été fauchés par les mitrailleuses. On n'a pas pu les enterrer tout de suite parce que le sol était tellement gelé qu'il a fallu attendre le dégel. Et en fait, pour les Américains, c'est la bataille de Wounded Knee. Pour les Indiens, c'est le massacre de Wounded Knee. C'était pas des Indiens révoltés du tout. Ils allaient se rendre dans leur réserve. Il y avait une nouvelle religion qui se répandait comme une traînée de poudre. C'était la Ghost Dance Religion. Un jeune Paiute avait une vision qui disait que si les Indiens pratiquaient une danse en portant une chemise spéciale, les bisons reviendraient, les blancs partiraient et tout redeviendrait comme avant. Et la chemise était censée arrêter les balles. Et évidemment, on a vu le résultat. Et ça a vraiment apporté les tragédies indiennes à la connaissance du monde entier. Ça a été vraiment le début. Et c'était en même temps tout à fait la fin de la résistance indienne. Fin de la résistance indienne, progrès de l'assimilation, constitution de réserves, mais ces réserves sont appelées, dans l'esprit des Américains, à être morcelées et l'Indien sur son cheval à devenir un petit paysan sur un enclos. Le morcellement. Ah ben, c'est-à-dire que, oui. Alors, le morcellement, ça c'est la politique de morcellement général, comme vous dites. C'est-à-dire qu'on devait supprimer les réserves. Chaque Indien recevrait 160 acres de terre. Il y a 2 acres à peu près dans 1 hectare. Et tout le reste serait ouvert aux colons. Si bien que grâce à cette loi de morcellement général, les Indiens ont perdu bien 50% des terres des réserves qui leur avaient été allouées. Donc, paupérisation. La place des Indiens, c'est notre thème avec vous, Marie-Claude Stigler. Un bilan, en effet, au bout d'un moment, nous sommes avant la guerre de 14, juste après la prise de fonction du nouveau président, Woodrow Wilson. Il ne se rend pas en personne dans les réserves, mais il enregistre, c'est une curiosité qu'on va entendre, un discours phonographique, et donc on va poser le phonographe ici, là, et encore plus loin, tout au long de l'année 1913, et le grand frère blanc, le grand père blanc, Wilson, s'exprimera ainsi. Au cours du dernier demi-siècle, vous avez vu l'école prendre la place du poste militaire sur vos réserves. L'administration des affaires indiennes a été transférée de l'armée à la branche civile du gouvernement. L'éducation et la formation professionnelle que le gouvernement vous a donnée ont permis à des milliers d'hommes et de femmes indiens de prendre place dans la civilisation aux côtés de leurs voisins blancs. Des milliers de personnes vivent dans d'importantes fermes sur leurs propres parcelles de terre. Des centaines d'autres ont gagné des places de premier plan dans diverses professions et certains se sont frayés un chemin dans les lieux de responsabilité de nos gouvernements étatiques et nationaux. 30 000 enfants indiens sont inscrits dans les écoles du gouvernement, de l'État et de la mission. Le vieux père blanc vous appelle maintenant ses frères, pas ses enfants. Et oui, la voix du président Wilson elle-même. Un mémorial est prévu d'ailleurs, parce que c'est un grand magasin de Philadelphie qui finance cette opération photographique, qui avait pensé aussi financer un mémorial indien dans le port de New York. Et puis la guerre vient, la guerre de 14. Et qu'est-ce qu'ils font les Indiens pendant la guerre de 14? Eh bien, beaucoup d'Indiens se sont engagés. Ah. Mais pour défendre leur... Ils n'avaient pas très bien compris de quoi il s'agissait. Hein. Il y a certes des Indiens qui sont arrivés avec un vieux fusil en se présentant au bureau d'enrôlement en disant « Où est l'ennemi ?» Ils n'avaient pas du tout réalisé qu'il allait falloir traverser le Grand Lac, comme ils disent. Mais c'était aussi un moyen de sortir des réserves et de gagner un peu d'argent. Et donc, d'envoyer de l'argent à leur famille qui restait dans les réserves. À ceux qui ont été anciens combattants, la citoyenneté va être accordée après la Première Guerre mondiale, et puis il y aura un processus d'élargissement de la citoyenneté un peu plus tard. Mais il y a quand même eu un moment, une fois la guerre accomplie, de patriotisme et de monstration dans les lieux indiens du drapeau américain. Oui, mais ils sont citoyens américains depuis 1924, et c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous, mais la réserve, c'est ce qui leur reste de leur territoire. Donc ils y tiennent, ils n'ont pas du tout envie que les réserves soient supprimées, comme le gouvernement fédéral a parfois essayé de le faire. Donc, mais ceci dit, citoyens américains à partir de 1924, ce qui ne veut pas dire qu'ils avaient le droit de vote dans tous les États de l'Union. 1934, le président Roosevelt, on continue à étudier la législation concernant les Indiens, à grandes enjambées, je vous le concède. Le gouvernement Roosevelt confie la politique des Indiens à un homme, alors qui est un héros dans plusieurs de vos livres, auxquels vous accordez la plus grande importance. Prononcer son nom, Marie John Collier, ouais. Qui était commissaire aux affaires indiennes. Alors, il a eu un rôle extrêmement important. Cet homme avait eu l'occasion de vivre chez les Pueblos. Et il avait été subjugué par leur culture. Et il a trouvé vraiment dommage que ces gens doivent renoncer à leur culture, n'aient plus le droit d'exercer leur religion. Donc il a tout fait pour finalement faire passer la loi de réorganisation indienne de 1934 qui autorisait la pratique des religions traditionnelles et surtout donnait aux différentes nations indiennes le droit de se doter d'une constitution ou de se créer simplement un gouvernement tribal. Alors, une constitution, prenons l'exemple des Navajos, parce que vous avez beaucoup travaillé, on l'a dit, sur les Navajos. Ils battent des mains, ils rédigent tout de suite une constitution. Alors justement, non. Mais les Navajos ont estimé qu'ils avaient été trompés suffisamment souvent pour ne pas se lancer. Parce qu'une constitution, c'était quand même sur le modèle de la constitution américaine. Le gouvernement tribal qu'on leur préconisait, c'était calqué sur le gouvernement des différents États. Or, eux ont préféré se gouverner par résolution. Le gouvernement tribal prenait des résolutions qui faisaient jurisprudence et qui pouvaient être réutilisées par la suite. Mais ils ont quand même profité de la politique de John Collier, sauf un drame pour eux, c'est la politique de réduction des troupeaux. Donc ça montre bien que John Collier a un effet positif, mais aussi négatif. Il vivait beaucoup de l'élevage des moutons, et comme c'est un climat désertique, les sols étaient complètement... Chez les Navajos, les sols étaient très érodés, donc on les a obligés à sacrifier une bonne partie de leurs troupeaux. On entendait tout à l'heure le président Wilson, bien avant, en 1913, dire que 30 000 Indiens sont scolarisés. Collier, sous Roosevelt, il essaie de limiter les internats. Disons de les modifier. Hein, parce que il y a des écoles qui étaient hors réserve, donc on envoyait les enfants très loin de chez eux, avec interdiction de parler leur langue. Très souvent, ils étaient, pendant les vacances, ne rentraient pas chez eux, mais étaient confiés à des familles blanches où ils servaient de domestiques, si bien que s'ils rentraient chez eux 2 ou 3 ans après, ils ne pouvaient plus communiquer avec leurs grands-parents, par exemple. Donc ça, il a essayé de modifier. Il y a eu des écoles pensionnats à l'intérieur même des réserves, où là, les familles pouvaient venir les voir, ils pouvaient rentrer chez eux. Donc c'était un adoucissement. Mais les écoles pensionnats ont quand même duré encore certains temps après. L'étude de la place des Indiens aux États-Unis, elle passe par l'observation de la législation. En 1968, le président Johnson, au moment du centenaire des traités de 1868, produira une nouvelle législation. Mais la place des Indiens, elle tient aussi à ce qu'ils font d'elle. Et dans les années 1960, ils vont s'associer, de peu ou prou, à d'autres mouvements de revendication, d'autres minorités. C'est la grande période des mouvements pour la recherche des droits civiques des Noirs, par exemple. Ils ont essayé de s'allier aux Noirs, mais finalement, c'était quand même très, très différent. Ils ont eu leur propre mouvement, Et évidemment, ils se sont révoltés contre tout ce qu'ils avaient eu à subir. Il y a eu la marche des traités violés, l'occupation de l'île d'Alcatraz dans la baie de San Francisco. Là, c'était quand même signé par indiens de toutes les tribus et c'était devenu un territoire indien dans la mesure où c'était un territoire fédéral abandonné puisque c'était une prison. Et donc, ça pouvait revenir aux Indiens. Ils l'ont réclamé. Tenez, voici qui témoigne du renouveau indien, du réveil indien. C'est un peu plus tardif. Aaron White, il est d'origine navarro. Le disque dont vous allez entendre un extrait, flûte avec lui et guitare, date du début des années 2000. De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. La place des Indiens aux États-Unis qui est étudiée, je voulais signaler en plus de vos publications Marie-Claude Stigler, deux numéros de revue, le numéro 9 de la revue America, l'Amérique indienne, et puis le numéro du mois de février de la revue L'Histoire consacrée à vos amis les Sioux. Aux événements que vous signaliez tout à l'heure et qui témoignait d'un renouveau indien, il faut ajouter, à la date clé de 1973, l'occupation du site de Wounded Knee, où avait eu lieu le massacre de 1890, déjà étudié. Par une froide nuit de février 1973, une caravane d'Indiens traverse la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. 200 personnes se sont entassées à bord de voitures. Il y a là des Lakota Oglala de la région, ainsi que des militants du mouvement des Indiens d'Amérique, l'IM. Ils font route vers Wounded Knee, site sacré du dernier massacre des guerres indiennes. Ce soir-là, en allant à Wounded Knee, l'obscurité était effrayante et on s'accrochait à nos armes. La lune était pleine et on savait qu'on allait devoir se battre. Et moi, je me demandais si j'étais en train d'entraîner les jeunes qui m'entouraient vers la mort. Pendant 71 jours, les occupants de Wounded Knee vont repousser les autorités américaines l'arme à la main. Les médias du monde entier couvrent l'événement au jour le jour. Et les Amérindiens affluent de tout le pays pour prendre part à ce qu'ils veulent voir comme un nouveau départ. Le message, c'était qu'une bande d'Indiens pouvait affronter ce gouvernement. Tecumseh avait eu son heure, Geronimo, Sitting Bull, Crazy Horse. C'était notre tour. Une bande d'Indiens. Une fédération des Indiens, y a-t-il des moments de pan-indianisme ? Celui-ci en est-il un ? Oui, bien sûr, dans la mesure où ils se sont réunis, toutes tribus confondues, pour commémorer le massacre de Wounded Knee. Et on ne peut pas dire qu'il y ait une liaison permanente entre les Indiens, mais quand il y a vraiment un événement, là, on a vu dernièrement contre le DAPL, ce fameux pipeline qui devait traverser les lieux sacrés. Mais c'est rare. C'est rare. Mais quelque chose qui est important, c'est que quand ça arrive, les Indiens qui sont souvent invisibles, moi au début où je faisais ma recherche, des Américains m'ont dit « mais des Indiens, il y en a encore ?» Ils ne savaient pas. Ils sont devenus très visibles, y compris à Genève, à l'ONU maintenant. Alors on va parler aussi de l'ONU, mais vous avez dit, des Indiens, il y en a encore. Il y en a combien? Ils sont à ce point invisibles qu'on n'arrive pas à les décompter si précisément. Ils sont un peu plus de 3 millions actuellement. Et alors, vous comptez là-dedans les métisses? Mais il y a tellement de mariages mixtes, y compris intertribaux, que effectivement on peut les compter. Il faut simplement qu'ils soient inscrits sur des listes tribales. Alors attendez, inscrits sur des listes tribales, ça veut dire que les conseils tribaux dont vous nous aviez parlé de la création, ils ont la charge de décider qui est qui. Ça fait partie de leur souveraineté. Chaque gouvernement tribal a le droit de déterminer quel quota de sang indien. Alors ça, beaucoup de gens trouvent que c'est abominable de parler de sang indien parce que tout le monde a le même sang. Pour être inscrit. Et la plupart du temps, c'est un quart de sang de la tribu pour être inscrit sur les listes tribales. Le décompte est d'autant plus difficile que l'Indien reste mobile. C'est-à-dire qu'il peut quitter sa réserve, aller en ville. D'ailleurs, il y a plus d'Indiens en ville que dans les réserves. Y revenir. Oui, mais les recensements, ils sont nationaux. Mais c'est pour ça aussi que le nombre d'Indiens augmente de façon fantastique. C'est que pendant très longtemps, on a voulu leur inculquer la honte d'être Indiens. Donc, ils n'allaient pas se déclarer lors des recensements comme Indiens. Alors que maintenant, au contraire, ils vont se déclarer Native American et ils vont rentrer dans les statistiques. Un Indien en ville, il est dans une prairie de ciment? Bon, il y a des Indiens urbanisés, évidemment, mais ils se sentent quand même très Indiens. Il y a une revendication de leur identité, de leur culture, qui est de plus en plus importante. Mais la bataille à livrer avec la ville, c'est la plus compliquée que celle que les Indiens aient jamais connue dans leur histoire. Bon, ils s'adaptent, évidemment. Mais aujourd'hui, des Amérindiens, on a des avocats, des médecins, des chirurgiens, des professeurs d'université. Le dernier, par exemple, je pense à Joy Harjo, qui est Creek, et qui vient d'être nommé poète national pour 2019. C'est une Indienne qui vit en ville, mais qui se sent Creek et qui écrit sur sa culture. Parce que vous préparez un livre sur les grands mythes indiens qui s'incarnent toujours dans un endroit. C'est-à-dire que sous la terre, à un endroit donné, il y a les témoins du passé. Mais qu'est-ce qu'il y a sous la ville? La spiritualité n'a pas besoin d'être ancrée dans un bâtiment ni dans un appartement. Ça peut être... On l'a avec soi, son identité. Et on fait des fêtes religieuses dans les villes? Ah, il y a des pow-wow en ville, bien sûr. Et il y a beaucoup d'associations. Alors, on est obligé de revenir un peu en arrière à la période des années 50, où on a essayé finalement de complètement supprimer la responsabilité fédérale et d'essayer d'urbaniser les Indiens. Alors là, dans les années 50, ils ont été vraiment perdus. Il y a beaucoup d'associations qui se sont créées pour les aider à s'adapter, où ils se retrouvaient. Alors, c'est vous qui étiez en avant tout à l'heure quand vous parliez de l'ONU et des revendications des Indiens à l'ONU. Nous sommes ici dans les années 1970, précisément en 77, à la sous-commission des droits de l'homme de Genève. Encore un peu de patience, 30 ans de traités, de visites, de négociations, et il va se passer quelque chose d'important à l'ONU. Même si le son du tam-tam remplace le claquement de portières de voitures officielles, même si les plumes remplacent les costumes gris foncé, même si les badauds suisses ont mis du temps à comprendre, il s'agit bien là de l'ouverture d'une conférence internationale à Genève. Et plus spécialement, des Indiens, venus des deux Amériques, sortant de leur réserve pour parler du génocide et de la discrimination raciale dont ils affirment être les victimes depuis plusieurs siècles. Presque toutes les tribus sont représentées, et les plus anciens, comme cet Iroquois de 103 ans, ont fait le voyage jusqu'à Genève. Mais le folklore s'arrête là, les problèmes des Indiens sont bien réels. Aux États-Unis et au Canada, ils sont pour les trois quarts atteints de malnutrition. Leur revenu est en moyenne trois fois plus faible que celui des Blancs et des Noirs. Enfin, proportionnellement dans les prisons américaines, les détenus indiens sont quatre fois plus nombreux que ceux des autres ethnies. Quant à l'Amérique latine, où les Indiens sont encore 5 millions, leur destruction commencée au 15e siècle par les conquistadors espagnols et portugais continue. 30 ans après ce reportage, déclaration à l'ONU des droits des peuples autochtones qui intègrent non seulement les Amérindiens des États-Unis, mais on l'a compris, bien d'autres. Ça a une importance, la présence dans le droit international. Vous me direz que maintenant, avec le président actuel, le droit international, mais ça a une importance. Oui, bien sûr. Ce sont des droits juridiques qu'ils vont éventuellement intenter des procès pour obliger les gouvernements à les respecter. C'est absolument essentiel. Évidemment, les États-Unis n'avaient pas reconnu la déclaration des droits des peuples autochtones. Les procès et les démarches juridiques, les Indiens qui s'aperçoivent que dans leur réserve, vaste territoire en principe inhospitalier, il y a des ressources insoupçonnées, les Indiens vont exercer le droit de protester. Vous nous parliez d'un pipeline tout à l'heure qui part du Dakota du Nord et qui veut aller dans l'Illinois. Oui, absolument. Mais il existe. Ah, il existe et pourtant les Indiens ont installé des ZAD au moment où on voulait le construire. Et oui, mais ils avaient obtenu du président Obama de suspendre les travaux de construction le temps de refaire une recherche sur les retombées sur l'environnement, qui sont indéniables. Mais dès le lendemain de son élection, le président Trump est revenu sur la décision d'Obama. Les travaux ont continué. C'est-à-dire que la décision d'Obama, avant de concerner les Indiens, elle concerne tout l'espace des parcs naturels dont il a retranché une partie. Et du coup, ça touche aussi les Indiens. Bien sûr, il y a les lieux sacrés et puis les réserves en eau potable. La nappe phréatique avec ce pipeline, c'est vraiment très en danger. Alors comment gère-t-on d'ailleurs les questions d'eau dans les réserves indiennes ? Ça peut poser, par exemple chez vos amis Navarro, beaucoup de questions. Oui, alors il y a des droits sur l'eau qui sont accordés aux Indiens et... Mais ils ont beaucoup de mal à les faire respecter, évidemment. Quand ils les droits sur l'eau, ils ont droit à un certain quota par an. Et la catastrophe, c'est que si une année il pleut suffisamment qu'ils n'utilisent pas les quotas, l'année d'après, les quotas seront diminués. Donc c'est une lutte permanente pour faire respecter ces droits. Il y a des réserves qui ont des ressources insoupçonnables et il y a des réserves qui sont dans une spirale de déclin. Tout à fait. Les réserves du Dakota du Sud, en particulier, sont très pauvres. Des fois, ça va jusqu'à 90% de chômage à Pine Ridge, par exemple, où la situation est catastrophique. Mais il y a d'autres tribus, comme les Osages, qui ont beaucoup de pétrole et qui, maintenant que les revenus du pétrole baissent un peu, ont des casinos qui gagnent beaucoup d'argent. Oui, mais vous m'expliquez hors antenne qu'ils n'étaient pas d'excellents casinotiers, peut-être, les Navarros en tout cas. Allez, les Navarros, non, ils se sont décidés très tard. Merci à vous, vos publications sur notre site. L'Histoire, le numéro de février consacré aux Sioux. America, le numéro 9, consacré à l'Amérique indienne. Juliette Gou, Philippe Duclos, Frédéric Martin, Franck Olivard pour la préparation de cette émission.